بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد donc chers frères et sœurs en islam, bienvenue encore une fois à notre série Les héritiers des prophètes et on parle toujours du troisième chapitre qui porte sur l'éthique de l'ilm, l'éthique de la science et on avait mentionné quelques points qui étaient relatifs en tant que tels sur ce chapitre-là et maintenant on passe au quatrième point qui représente l'éthique de la personne de connaissance, de la personne qui porte la connaissance dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est de le fait de ne jamais, l'obligation de ne jamais parler de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans connaissance, ça veut dire sans science. Ça veut dire le fait, en d'autres termes, le fait que tu sois un savant, mettons, même si tu es un savant, voyez-vous, ça n'implique pas que tu dois tout connaître et ça n'implique pas que tu as les réponses à toutes les questions. Alors, dans les situations dans lesquelles tu ne possèdes pas de questions, est-ce que tu dois inventer une question? Non. Tu dois tout simplement dire, je ne sais pas. Je ne sais pas et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et on va prendre déjà l'exemple de notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être vous n'avez jamais entendu ce hadith avant ça. Ben, même le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a réagi de la sorte. Dans le hadith authentique, أن رجلا قال يا رسول الله أي البلدان أحب إلى الله وأي البلدان أبغض إلى الله. Un homme a demandé au prophète عليه الصلاة والسلام, il a dit يا رسول الله, quelles sont les terres les plus aimées pour Allah subhanahu wa ta'ala et quelles sont les pires terres pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le prophète عليه الصلاة والسلام, qu'est-ce qu'il a dit? قال لا أدري. Le prophète عليه الصلاة والسلام, il a dit je ne sais pas. حتى أسأل جبريل, jusqu'à ce que je demande à Jibril, l'ange Gabriel alayhi assalam, fa'atahu Jibril fa'akhbarahu. Après ça, quand Jibril alayhi salam est venu chez le prophète alayhi salatu salam, il lui a répondu à cette question: "Anna ahsana al-biqa'i ila Allah al-masajid wa abghada al-biqa'i ila Allah al-aswaq." Que les meilleures terres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les mosquées et que les pires terres et les pires espaces pour Allah subhanahu wa ta'ala sont les marchés, voyez-vous? Non. قال ابن وهب. On a dit pas de question jusqu'à tout à l'heure, sinon on ne va pas finir. وقال ابن وهب وحدثني مالك. Imam Ibn Wahb, l'étudiant de Malik, il a dit, Imam Malik m'a dit, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي. Il a dit, l'imam Malik, rahimahullah, il a voulu enseigner à son élève, il a dit, imam Ibn Wahb, écoute, notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était notre modèle et notre référence ultime dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, parfois il était questionné et il ne répondait pas jusqu'à ce qu'il recevait la révélation d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Wa fi riwayatin ukhra, al malaikatu qalat la ilma lana. Imam Malik, rahimahullah, il a dit, et je vous mentionne aussi l'exemple des anges. Qu'est-ce que les anges ils ont dit? Quand Allah subhanahu wa ta'ala leur a ramené Adam alayhi salam, il a dit, regardez, lui, la connaissance que lui il a, ce que vous pouvez me nommer les noms de ces mêmes choses que Adam alayhi salam il sait. Ils ont dit, la ilma lana illa ma 'allamtana. On n'a point de connaissance à part la connaissance que tu nous as accordée. Quand Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé, ça veut dire même les anges alayhi salam, ils ne peuvent pas tout connaître. Wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de tout celui qui possède une connaissance. وقال ابن وهب, écoutez ça et comparez ça avec tout ce que vous avez écrit aujourd'hui, si vous avez trouvé la même chose, certainement pas. قال ابن وهب, Imam Ibn Wahb رحمه الله تعالى, il a dit, لو كتبنا عن مالك لا أدري, il a dit, si on avait écrit toutes les réponses dans lesquelles Imam Malik, rahimahullah, il a dit « La adri », ça veut dire « je ne sais pas ». Ça veut dire si à chaque fois que quelqu'un dit, Imam Malik, dans son cours, « Ya Imam, quelle est la règle sur telle et telle et telle chose ?» Il dit « je ne sais pas ». Les étudiants, ils vont écrire. Il a dit « je ne sais pas ». Il a dit « si on écrivait à chaque fois que l'Imam Malik, rahimahullah, il disait « je ne sais pas »,« la mala'na al-alwah », on aurait rempli toutes nos tablettes. Ça veut dire pas les tablettes que vous avez aujourd'hui, ils écrivaient dans des tablettes, n'est-ce pas, de bois comme ça, ils écrivaient « al-ilm », comme les feuilles dont on dispose de nos jours. Ça veut dire, il aurait dit, on aurait pris des notes comme ça qui étaient pleines de la adri. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ça veut dire que l'imam Malik, rahimahullah, il disait très fréquemment, je ne sais pas. On lui demande, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Non. Wa Ali ibn Mas'oud, قال إن من العلم أن تقول لما تعلم الله أعلم. ابن مسعود رضي الله عنه, le compagnon, il a dit, ça fait partie de la science. Si tu as vraiment la science, l'un des signes de la science, c'est que quand on te demande une chose sur laquelle tu n'as pas de réponse, tu vas dire c'est Allah qui le sait. Allahu a'lam. Ça veut dire même Allahu a'lam, ça fait partie de la science. Ça fait partie de la science et le savant doit l'apprendre et doit apprendre à la dire quand il ne sait pas. Et Imam Malik rahimahullah ta'ala, il a dit la adri ou قال جنه العالم لا ادري. Il a dit l'armure du savant, l'armure qu'on porte habituellement dans un, lors des batailles, etc. Il a dit l'armure du savant, c'est je ne sais pas, c'est la adri. فَإِنْ أَغْفَلَهَا أُصِيبَتْ مَقَاتِلُهُ. Alors s'il va l'oublier, il va être pris comme cible. Directement, il va être atteint de façon qui est grave en quelque sorte. Voyez-vous, ça veut dire, si tu ne portes pas la adri, t'es cuit, t'es fini. قال أبو داود, إمام أبو داود رحمه الله, l'un des grands aussi savants de l'hadith, il a dit قول الرجل فيما لا يعلم لا أعلم نصف العلم. Il a dit quand la personne elle ne sait pas quelque chose et elle dit لا أعلم, je ne sais pas, ça c'est la moitié de la science. Ça c'est la moitié de la science. C'est parce que la science, il y a une partie que tu connais, une partie que tu ne connais pas. La partie que tu connais, tu peux fournir les réponses. La partie que tu ne connais pas, si tu connais la réponse à donner, ça veut dire tu as rempli la moitié de la science et la réponse c'est la adri, je ne sais pas. C'est un cours que tout, n'est-ce pas, tous les savants du Facebook doivent prendre, cette partie-là. Tous les savants du Facebook peuvent faire sortir une fatwa en quelques secondes comme ça. عن ابن مسعود, ابن مسعود رضي الله عنه, il a dit قال إن من يفتي في كل في كل أو في كل مما يستفتونه لمجنون. Il a dit celui qui répond à toutes les questions qu'on lui demande sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un fou. مجنون, c'est pas quelqu'un qui est normal. Ça veut dire il est en train de se jeter en enfer. والعياذ بالله سبحانه وتبارك وتعالى. قال الأعمش فذكرت ذلك للحكم بن عتيبة فقال. A'mash rahimahullah, Imam A'mash, il a dit j'ai cité ces mots, cette parole de Ibn Mas'ud à un autre savant, mon collègue qui s'appelle Al-Hakam Ibn Utayba. Alors qu'est-ce qu'il a dit cet autre savant quand il a entendu cette parole de Ibn Mas'ud que celui qui répond à toutes les questions c'est un fou? Il a dit لو سمعت هذا منك قبل اليوم ما كنت أفتي في كل ما أفتي. Il a dit si seulement j'avais entendu cette parole de Ibn Mas'ud de chez toi avant aujourd'hui, je n'aurais pas répondu à toutes les questions auxquelles j'ai répondu lors de ma vie. Ça veut dire que je regrette de ne pas avoir été en quelque sorte plus, de ne pas avoir fait preuve de plus de retenue. Regardez maintenant une histoire qui nous donne encore une fois un exemple. Encore une fois, Imam Malik rahimahullah. An Abdirrahman ibn Mahdiyin, un savant, il a dit on était une fois chez l'imam Malik. Alors un homme est venu chez lui. Faja'ahu rajulun. Faqala يا عبد الله يا أبا عبد الله جئتك من مسيرة ستة أشهر حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها. Écoutez bien ça. Un homme est venu chez l'imam Malik. Il est venu à la Médine. Il a dit à l'imam Malik, je suis venu chez toi d'un autre pays. Ça fait six mois que je me déplace. Mon voyage m'a pris six mois pour arriver chez toi. Un voyage de six mois pour arriver chez l'imam Malik. Parce que mon peuple m'a responsabilisé de, poser une, de te poser cette question. Imaginez, les gens, de, leur, de l'importance qu'ils accordaient à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils envoyaient quelqu'un pour un voyage de six mois, pour leur ramener une réponse. Une seule réponse qui va dire, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, telle et telle et telle chose, voilà le hukm. Voyez-vous? Déjà ça c'est étrange pour nous. Plus étrange, ça va être la réponse de l'imam Malik rahimahullah. Qu'est-ce qu'il a dit imam Malik rahimahullah? قال فسأل, il a dit demande, فسأله الرجل عن عن المسألة. Il a dit voilà la question c'est telle et telle chose. فقال لا أحسنها. Il a dit je la maîtrise pas. Désolé, tout un voyage mais je peux pas te répondre. قال فبهت الرجل كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء. Il a dit l'homme a été choqué comme s'il pensait être venu chez quelqu'un qui connaissait tout. Il était choqué de cette réponse. قال فقال أي شيء أقول لأهل بلدتي إذا رجعت لهم. Il a dit qu'est-ce que je vais dire aux gens de mon peuple quand je vais revenir chez eux à mon pays. Je vais dire quoi? Que j'ai fait un voyage comme ça, je reviens après six mois, Et après un an, je n'ai pas de réponse. Il a dit, qala taqulu lahum. Il a dit, tu leur dis deux points. Qala malikun la uhsinu. Malik a dit, je ne sais pas. Aussi simple que ça. Une autre histoire qui s'y ressemble un peu. An ibn Aounin, qala kuntu inda al-Qasim ibn Muhammad. Al-Qasim ibn Muhammad, rahimahullah ta'ala, l'un des savants aussi, il ja'ahu rajulun fasa'alahu an shay. La même chose, un homme est venu chez lui pour lui demander une question. Faqala al-Qasim la uhsinuhu. Il a dit, je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine. Faja'ala al-Rajul yaqul, inni dufi'tu ilayka, la a'rifu ghayrak. Il a dit, on m'a poussé vers toi, je ne connais personne à part toi. On m'a indiqué, je suis venu spécifiquement pour que tu me donnes la réponse. Faqala al-Qasim, Qasim ibn Muhammad, il a dit, la tanzur ila tuli lihyati wa kathrati nasi hawli, wallahi ma uhsinuhu. Il a dit, ne sois pas leurré par ma longue barbe, ni par le grand nombre de personnes qui sont aux alentours de moi. Wallahi, je ne sais pas, je ne connais pas la réponse. Il veut le convaincre que, je ne sais pas. De nos jours, on veut convaincre les gens que nous, on sait. N'est-ce pas? Ne regarde pas que ma barbe, elle n'est pas longue, mais je sais. Lui a dit le contraire. Il a dit, ne sois pas leurré par ma longue barbe, ni par le nombre de personnes qui sont aux alentours de moi. Mais je ne sais pas. Wallahi, je ne sais pas. Faqala shaykhun min Quraishin. Jalisun ila jambihi. Regardez, c'est quoi l'impact, n'est-ce pas? On pense qu'en disant que je ne sais pas, on pense qu'on va perdre de l'estime. Non, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas grandir. Et Allah subhanahu wa ta'ala va te faire grandir dans les yeux des gens, c'est parce que les gens vont savoir que toi tu es crédible. Quand tu parles en connaissance. C'est pour ça que parfois tu ne parles pas. Alors il a dit, فَقَالَ شَيْخٌ مِّنْ قُرَيْشٍ جَالِسٌ إِلَى جَنْبِهِ. Il y a eu un vieil homme comme ça de Quraysh qui était présent dans l'assemblée comme ça, il a dit, يَبْنَ أَخِي إِلْزَمْهَا فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُكَ فِي مَجْلِسٍ أَمْبَلَ مِنْكَ الْيَوْمِ. Il a dit, oh, il a dit, Cheikh, cette réponse-là, wallahi, attache-toi à cette réponse. Je t'ai jamais vu, wallah, je t'ai jamais vu aussi honorable qu'aujourd'hui. Ça veut dire, aujourd'hui, là, t'as l'air de quelqu'un d'important. Parce que tu viens de dire, je ne sais pas. Voyez-vous? والله لا أن يقتل فقال القاسم alors القاسم il a répondu à ce vieil homme, il a dit, écoute, والله لا أن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. Il a dit, par Allah, si on coupe ma langue, c'est mieux pour moi, je préfère qu'on me coupe la langue que de parler de quelque chose sans connaissance et sans علم en quelque sorte. وعن نافع عن ابن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه, le grand compagnon du prophète عليه الصلاة والسلام, et le fils de عمر ابن الخطاب. Su'ila an shay'in, on l'a questionné sur quelque chose. Quelqu'un est venu lui demander une question. Faqala la adri, il a dit je ne sais pas. Falamma walla ar-rajul, l'homme est parti, c'est toute la réponse qu'il a pris. Faqala, il veut s'encourager en quelque sorte, il veut se récompenser lui-même, Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, faqala ni'amma qala Abdullah ibn Umar, su'ila amma ma la ya'lamu, faqala la 'ilma li. Bihi. Il a dit, oh, quelle belle réponse que Ibn Umar vient de donner. Il parle de soi-même. Il a dit, on vient de lui poser une question sur quelque chose sur laquelle il n'avait pas de réponse. Il vient de dire, je ne sais pas. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عن أبو بكر الصديق le grand calife et compagnon du prophète عليه الصلاة والسلام, il a dit, أي سماء تظلني, quel ciel pourra me couvrir, وأي أرض تقلني, et quelle terre pourra me porter, إذا قلت في كتاب الله بغير علم. Si je parle du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, si je l'explique sans connaissance, ça veut dire si j'invente une réponse à propos du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va me protéger de la punition d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. وعن عبد الله بن يزيد ابن هرمز, l'un des ulama, il a dit, إني لأحب أن يكون من بقايا العالم بعده لا أدري ليأخذ به من بعده. Il a dit, moi je préfère et je souhaite et j'aimerais tellement que chaque savant il laisse derrière lui la أدري. Ça veut dire quand un savant, quand toi en tant que savant tu vas mourir, il te dit c'est bien, ça serait apprécié et ça serait bien si les gens qui vont venir après toi, quand ils veulent consulter ta connaissance, tes livres que tu as écrits, etc., n'est-ce pas, ton héritage, ils vont trouver entre autres la adri, je ne sais pas. Pour qu'eux, ils vont te prendre comme exemple que nous aussi, quand on ne sait pas, on doit dire la adri et je ne sais pas. Taïb, on passe au prochain point, inshallah ta'ala. Nashrul ilmi wa tabliruhu. Ça fait partie aussi de l'éthique, de la connaissance. C'est de partager la science, partager ce que tu apprends. Tout comme tu n'as pas le droit de parler quand tu n'as pas la réponse, quand tu ne connais pas. Quand tu connais, tu es aussi responsable de partager. Le message d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala est de guider vers Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam il a dit: "La an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humri an-na'am." Il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, si Allah subhanahu wa ta'ala t'utilise que à travers toi il va guider une seule personne, c'est meilleur pour toi que humrun na'am. Ça veut dire certaines des meilleures formes des chameaux qu'ils avaient dans leur temps, n'est-ce pas? Ça veut dire de nos jours, si Allah subhanahu wa ta'ala, il t'utilise pour être une cause de la guider d'une seule personne, que tu lui passes la science, elle va être guidée à travers les mots que toi tu lui as passés en quelque sorte, c'est meilleur pour toi que d'avoir une Ferrari, ou une Mercedes, ou une BMW, ou autre chose. Voyez-vous, ça veut dire que c'est quelque chose d'extrêmement valorieux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un hadith aussi authentifié par certains ulama, le prophète alayhi salatu wasalam aurait dit: "Ilmun la yuqalu bihi ka kanzin la yunfaqu minhu." Ilmun la yuqalu bihi ka kanzin la yunfaqu minhu, ça veut dire une science qui n'est pas partagée, c'est comme un trésor sur lequel on ne donne pas de sadaqa ou bien de charité. Voyez-vous, c'est comme quelqu'un qui a un trésor mais qui le cache. Les gens en ont besoin. Imaginez si toi à la maison, on va donner un exemple comme ça, pour que vous compreniez l'importance de passer le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce qu'il y a des frères malheureusement, et des sœurs bien sûr aussi quand on parle de frères, il y a des personnes, ils apprennent la religion, mais ils pensent qu'apprendre la religion c'est apprendre pour apprendre. Ya akhi, il n'y a pas de khatib aujourd'hui à la mosquée, il n'y a personne pour faire la khutba. Non, je ne fais pas. Ya akhi, il n'y a personne. Et c'est toi la personne la plus qualifiée. Non, je ne vais pas faire. Ya akhi, taqillah, c'est la Jumu'a, les gens ont besoin de toi. Non, je ne vais pas faire. Ok, on va te donner un exemple pour te dire qu'est-ce que ça veut dire, je ne peux pas faire. Je ne veux pas faire. Imaginez si l'un d'entre vous, il a un trésor chez lui à la maison. Comme ça, des tonnes et des tonnes d'or et d'argent, etc. Il y a des personnes qui sont à sa porte, qui sont mourantes de faim, par terre comme ça. S'il vous plaît, quelqu'un, un pain, un morceau de pain, etc. Et lui, il est assis chez lui. Non, je ne donne pas. Ça représente quoi? C'est cruel. Que dire de quelqu'un qui possède la réponse, n'est-ce pas, que les gens dont ils ont besoin pour être guidés vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour échapper au chemin de l'enfer, et que lui va dire non, je ne dis pas, je ne partage pas. N'est-ce pas? Et c'est pour ça que certains des ulama, ils disaient « Akhridu zakat al-ilm » « Payez la zakat de votre science ». C'est quoi la zakat de la science qui pourrait nous la donner comme ça une personne, quelqu'un d'intelligent comme ça, il va nous sortir, il va nous faire le calcul de la zakat de la science. Hein? C'est quoi la zakat sur l'argent? C'est combien? 2,5%. N'est-ce pas? Donc il y a des ulama qui disaient « Akhridu zakat al-ilmi min kulli alfi hadithin 25 » De chaque 1000 hadiths, tu partages 25. De chaque 1000 hadiths que tu connais, que les ulama, ils apprenaient, ils partageaient au moins 25. Comme ça, il a payé sa zakat de l'ilm, voyez-vous, pour que ça ne soit pas juste emmagasiné. Emmagasiné, tu dois la responsabilité de partager avec les autres. « Qila, ma sina l'ilmu bimithli l'amali bihi wa badlihi li ahli » Ils ont dit, la meilleure chose pour protéger, pour préserver la connaissance, c'est quoi? C'est d'agir en conséquence et de la partager avec les autres. Une autre belle analogie. Ils ont dit qila an-naru la yanqusu ma aw la yunqisuha ma ukhida minha walakin yunqisuha alla tajida hataban. Ils ont dit le feu ne va jamais affaiblir ou s'éteindre à cause qu'une personne en a pris. Ça veut dire quand tu as un feu ici, si quelqu'un va venir avec un bâton, il va prendre un peu de feu. Est-ce que le feu va affaiblir à cause de ça? Non. C'est quand que le feu va affaiblir, ils te disent « Walakin alla tajida hataban » C'est quand le feu ne trouve plus de bois pour se propager. « Wakadhalika al-ilm » Ça veut dire la même chose pour la science, la même chose pour la connaissance. Le feu, au contraire, s'il se propage, c'est là où il devient plus puissant. Si tu ne lui donnes pas l'occasion, l'opportunité de se propager, il n'y a plus de bois, c'est là où il va s'éteindre et en quelque sorte mourir. Voyez-vous, c'est la même chose pour la connaissance, pour la science. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné de la science et tu veux que cette science-là va augmenter, qu'est-ce que tu dois faire? Partage-la, n'est-ce pas? Partage. Sharing is caring. Et un autre, il a dit share the khair. Comme sur Internet, vous avez le bouton là, share, vous allez faire share, mais seulement pour le khair, pas pour n'importe quel share. وقال علي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي لم يؤخذ على الجاهل عهد بطلب العلم حتى أخذ على العالم عهد ببذل العلم. Écoutez, ça c'est très important. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas responsabilisé l'ignorant de demander et de questionner avant de responsabiliser le savant de partager et de répondre. Voyez-vous, ça va être tout comme toi, tu dis aux gens, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, tu dois demander, tu dois questionner au savant. Tu dois savoir aussi que le savant, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, toi tu dois répondre, tu dois ça veut dire le savant, comme on l'a mentionné, c'est une grande valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça vient avec une responsabilité. Le savant, il a la responsabilité de partager au maximum afin que ceux qui cherchent, ils vont trouver. Ah, ça vient de sortir de tel savant, il vient de dire. Je viens de trouver la réponse, etc. Et dans un autre hadith, et ça c'est un hadith très dangereux et très sérieux, attention ici, juste prenez ce hadith et vous partez, Inch'Allah. Ce hadith, c'est un hadith très important, Inch'Allah. من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة بلجام من نار. Toute personne qui est questionnée à propos d'une science, d'une information, ça veut dire, ici on parle d'une information bénéfique, surtout si ça porte sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'elle va la retenir, elle ne va pas la dire, elle va dire je ne sais pas, il va mentir, n'est-ce pas, ou bien il va donner la mauvaise réponse de façon qui est volontaire, Allah subhanahu wa ta'ala va lui mettre une bride de feu sur son visage le jour du jugement. Voyez-vous, tout comme lui, il a fermé sa bouche, il n'a pas voulu partager le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va avoir le même sort le jour du jugement. Donc si quelqu'un te demande quelque chose et toi tu es à 100% certain de ta réponse et tu sais qu'il en a besoin, tu dois lui dire. Ne dis pas, il nous a parlé du danger de l'ostentation et je dois être humble et modeste, etc. Je vais dire, je ne sais pas. Là, tu dis, je ne sais pas quand tu ne sais pas, voyez-vous. Tu ne dis pas, je ne sais pas juste pour qu'on écrive ton nom que, je sais pas moi, à Montréal en 2012, on a demandé à tel frère et il a dit, je ne sais pas, comme Imam Malik, rahimahullah. Non, vous pouvez partir, Inch'Allah. Taïb, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit aussi dans le Coran le Karim, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Il dit subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris al-mithaq. Qu'est-ce que ça veut dire al-mithaq? C'est l'engagement. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, il a engagé, il a responsabilisé les gens du livre, ceux qui portent la connaissance, la science du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les nations avant nous ainsi que notre nation de tubayyinunnahu linnasi wa la taktumuna, de le partager, de le montrer aux autres, de ne pas le cacher. Oui. Tayyib. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a mentionné, il a pris le ahd, n'est-ce pas, l'engagement des gens qui possèdent la connaissance de devoir la partager, de devoir la partager, wa la taktumuna, il ne faut pas la cacher. Ça veut dire, quand tu sais que les gens ont besoin de ta connaissance, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit de dire je la laisse à la maison, je la laisse à l'intérieur de mon cœur, je ne partage pas. Non, si c'est une connaissance qui ne te cause pas de mal, qui est majeur, etc., etc., et tu sais que c'est bénéfique aux gens, tu dois la partager avec les autres. Taïb, le prochain point est le dernier, inshallah ta'ala, pour ce qui est de l'éthique de la connaissance, même si, pour être honnête avec vous, il y a beaucoup plus de choses à mentionner, n'est-ce pas? Les ulama, ils parlent de beaucoup plus de ça, mais ici, on a pris les points qui sont, vraiment, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel pour ce qui est de l'importance de l'ilm et de la connaissance, ou bien de l'importance de l'éthique en tant que telle. Le dernier point, c'est l'importance d'avoir un comportement exemplaire. Al-akhlaq, n'est-ce pas, l'adab. et le respect envers les savants. C'est quelque chose qui est très important à rappeler de nos jours. C'est parce qu'il semble que beaucoup de personnes ignorent l'importance d'un tel point. Ils pensent que la connaissance, c'est combien tu en sais. N'est-ce pas? Alors tu vas trouver quelqu'un, il a de la connaissance. Et pour défendre la connaissance, il va mentir. Il va insulter. Il va traiter des personnes âgées de façon qui n'est pas respectueuse, etc., etc. Et ça, ça ne fait pas partie de l'adab de la personne, de son éthique, qui, de la personne qui porte l'ilm. C'est pour ça que Makhlad ibn al-Hussein, ou bien Mukhlid ibn al-Hussein, je ne sais pas, Allahu a'lam, il a dit « Nahnu ila kathiri min al-adabi ahwaju minna ila kathiri min al-hadith ». Il a dit « Nous avons besoin de beaucoup de adab de nos jours ». Plus que notre besoin d'apprendre plus de hadith. Ça veut dire, il a dit, nous sommes des savants et nous sommes des étudiants du savoir. On connaît déjà pas mal de hadith. On doit travailler maintenant sur la connaissance de l'adab. Ça veut dire, quelle est la bonne conduite à avoir en tant que musulman et plus spécifiquement en tant que savant. Qila, ilmun bila adabin, kanarin bila hatab. Ils ont dit, de la connaissance sans éthique, c'est exactement comme du feu sans du bois. Ça veut dire que ça ne sert à rien, ça ne va pas éclairer ton chemin vers Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et Taous ibn Kaysan, un autre des savants, il a dit « Inna mina sunnati an tuwaqqira al-alim » Il a dit « Ça fait partie de la sunna de montrer du respect envers les gens du savoir. » Il y a des gens, ils ne respectent pas, même les gens du savoir, n'est-ce pas? Ils prétendent lui étudier la religion. Ramène-le n'importe quel savant, il va te dire « Mais lui, il a fait telle et telle et telle erreur. Et lui, il ne sait pas. Et moi, j'ai lu un hadith. Tout comme lui, il a accès au livre, moi aussi, j'ai accès au livre. Subhanallah, lui, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'il étudie, n'est-ce pas? Qu'il enseigne la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Toi, hier, tu as commencé à faire ta prière et tu penses, khalas, tu commences à faire la concurrence, n'est-ce pas? Quand il n'y a pas le adab, il n'y a rien. La personne qui n'a pas d'éthique, ne perd pas ton temps avec elle. C'est parce que c'est une personne qui est inutile. Wal'iyadu billahi ta'ala. Et c'est quoi la preuve de ça? Que respecter le savant, ça vient de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est un hadith authentique dans lequel il nous dit alayhi salatu wassalam, inna min ijlalillahi, que certes ça fait partie de la reconnaissance de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu veux savoir ce que toi vraiment tu glorifies Allah subhanahu wa ta'ala dans ton cœur, il y a des signes. Il dit alayhi salatu wassalam, ikrama dhi ash-shaybatil muslim, te traiter avec dignité, une personne musulmane qui a des cheveux blancs. Ça veut dire quelqu'un d'âgé, une personne âgée. Quand tu as quelqu'un, un musulman qui est pratiquant, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui est âgé, tu dois lui donner un respect plus que les autres. Voyez-vous, et les gens de nos jours, ils ont perdu ça. Même à la mosquée, etc. Le jeune comme le vieux, etc. Ils traitent tous de la même façon. Si tu vois quelqu'un de plus âgé que toi qui arrive, tu le laisses prendre la place, il a besoin de se reposer, etc., etc. Tu lui cèdes le chemin, tu l'aides, etc. Non. Deuxième chose. وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهِ Et de respecter celui qui porte le Coran. Ça veut dire le savant de l'Al-Qur'an al-Karim qui n'est pas ni extrême, ni mild, comme ils disent, n'est-ce pas? Ça veut dire, c'est pas celui qui porte le Coran, mais qui va agir en conséquence. Et ce n'est pas quelqu'un qui lui donne des interprétations extrêmes, ni des interprétations en quelque sorte qui sont trop souples et qui n'ont rien à voir avec le message en tant que tel. Ça veut dire de respecter le Coran, le alim en tant que tel, le vrai alim dont on a donné la description depuis qu'on a commencé ce séminaire. C'est ça le alim que tu dois lui donner du respect. Ça fait partie de la sunna. Et après ça, il a dit alayhi salatu wassalam, wa ikrama dhi as-sultani al-muqsit, et de respecter le dirigeant qui est juste. Quand il y a un dirigeant qui est juste, tu dois lui montrer en retour ton respect, n'est-ce pas? Tu lui donnes de l'honneur, tu l'honores en quelque sorte, c'est pour montrer que nous, en quelque sorte, on apprécie cette justice qu'il est en train d'appliquer. كانوا في مجلس وكيع كأنهم في صلاة. Écoutez bien ça. Dans le cours de Waqi' ibn al-Jarrah, l'un des savants, ils étaient, ça veut dire les étudiants, c'était connu. C'était comme s'ils étaient dans la prière. Ça veut dire le calme total. Et s'ils ne respectaient pas ce code de conduite, qu'est-ce qui va arriver? Il dit ici, فَإِنْ أَنْكَرَ مِنْ أَمْرِهِمْ شَيْئًا إِنْ تَعَلَ وَدَخَلْ Et s'il voit un comportement qu'il n'aime pas, ça veut dire s'il voit des gens comme ça chuchoter, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de cellulaire dans leur temps, mais des gens, je ne sais pas moi, jouaient avec quelque chose là qu'ils ramenaient, qui existait dans leur temps. Qu'est-ce qu'il faisait, Wakia? Prenait ses souliers, il les mettait et il sortait. Ça veut dire il les laissait. Voyez-vous? Encore une fois, c'est pour leur apprendre à l'adab. Que soit vous apprenez la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et je vous en donne plus, ou bien je ne vais pas vous apprendre parce que vous n'êtes pas digne en quelque sorte d'être des savants qui portent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Mughira, il a dit, l'un des savants, il a dit, « Kunna nahabu Ibrahim al-Nakha'i kama yuhabu al-Amir » On avait du respect, on avait, c'est pas vraiment de la peur. L'haïba, c'est quand tu as quelqu'un là d'important devant toi. Voyez-vous, l'haïba, je vais donner un exemple comme ça. L'haïba, c'est quand, mettons, une personne importante va passer devant toi. Tu vois? Elle va passer avec tous les agents de sécurité qui sont habillés comme ça, avec des gilets, n'est-ce pas, fort, etc., avec des lunettes, n'est-ce pas, de soleil. Tout le monde va devenir calme. Voyez-vous ce qu'on appelle al-hayba. C'est la même chose. Il a dit la hayba que nous avions pour Ibrahim Nakha'i, c'est comme la hayba que nous avions pour les dirigeants. Ça veut dire, on savait que lui, c'était un savant et qu'on traite avec lui d'une façon qui est spéciale. Ça veut dire avec du respect, etc. etc. Comme j'ai dit, de nos jours, les gens n'ont aucun respect. N'ont aucun respect. Bien sûr, les gens n'ont même pas de respect pour leur propre père, sans parler des savants et autre chose. Mais nous, en tant que musulmans, et nous, en tant que personnes qui étudions la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit comprendre et se rappeler que l'éthique, c'est une chose qui est fondamentale dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez ça. « Kana Yahya ibn al-Qattan yajlisu fil masjidi min al-asri ila al-maghribi fayaqifu indahu Ali ibn al-Madini wa Ahmadu wa Yahya ibn Ma'in wa ghayruhum yas'alunahu » Il a dit Yahya ibn al-Qattan, l'un des grands savants du hadith, il s'assoyait à chaque jour dans la mosquée entre Asr et Maghrib pour répondre aux questions de ses étudiants. Et il nous donne un exemple. C'est qui ces étudiants qui venaient au cours de... Bonjour. C'est jusqu'à 20h qu'on avait réservé. Non, c'est jusqu'à 20h. Je peux vous ramener le contrat tout à l'heure, là. Vous pouvez écrire qu'on l'a pris jusqu'à 20h, pas de problème. Oui, merci. Vous aussi. Donc ici, il a dit c'est quoi, c'est quel type de personne qui venait en quelque sorte au cours de Yahya ibn al-Qattan. Écoutez ces noms-là. Imam Ahmed, rahimahullah, lui-même, il venait pour demander des questions à Yahya al-Qattan. Et Ali ibn al-Madini, c'est l'un des grands savants. Ali ibn al-Madini, c'est le cheikh, n'est-ce pas, c'est l'enseignant de l'imam Bukhari. C'est l'enseignant de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Et Yahya ibn Ma'in, wa ghayruhum. Donc, de grands savants qui venaient pour demander des questions auprès de ce savant. Ce n'est pas des gens comme nous, là. C'est de grands savants qui venaient se référer à un autre savant plus grand pour lui demander des questions. Yas'alunahu, la yaqulu li ahadim minhum, ijlis wa la yajlisuna, haybatan wa i'zaman. Ni lui... Il dit à n'importe lequel d'entre eux, tu peux t'asseoir, ni eux, ils osent s'asseoir. Ça veut dire, ils venaient comme ça, n'est-ce pas, pendant une heure, deux heures, ils sont debout. Ils demandent, question après question après question. Et lui, il veut leur donner une leçon d'éthique, ce n'est pas par arrogance, n'est-ce pas, c'est pour former encore une fois ses étudiants au respect de l'ilm. Il ne dit à personne, tu t'assois. Et eux, de par leur éthique, ils ne se disent pas « Moi, je suis Imam Ahmed, je vais m'allonger comme ça devant le mur, etc. » Là, ça, c'est notre enseignant, c'est un grand savant, on le respecte. On ne s'assoit pas tant qu'il ne nous demande pas de nous asseoir. Voyez-vous, c'est comme j'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas par méchanceté que ces ulama, ils faisaient des choses comme ça. C'était pour mettre des filtres. Ça veut dire « Si tu veux la science, je vais t'éprouver un peu. » Est-ce que tu es capable de rester debout pendant une heure, deux heures? Ça veut dire que tu es sincère. Tu veux vraiment al-ilm. Celui qui veut apprendre al-ilm pour aller dire à son voisin que moi je suis devenu un savant, je viens de gagner une ijaza, j'ai eu un certificat, etc. Il va se mettre debout 15 minutes. Après ça, il va dire, c'est quoi ça? Ne me laisse même pas m'asseoir. Je pars. Pars. Tu n'es pas fait pour ça. Non. وَضَحِكَ رَدُلٌ فِي مَجْلِسِ بْنِ مَهْدِيِّنْ Imam Ibn Mahdi, l'un des ulama, l'un des savants, il y a l'un de ses étudiants qui a commencé à rire lors de son cours. Il a commencé à rire comme ça à voix haute. Il a dit « Tatlubu l'ilma wa anta tadhak » Il dit, tu apprends la science et tu es en train de rire. La haddathtukum shahran. Je ne vais pas vous enseigner pendant un mois. Punition, voyez-vous? Et ça, comme j'ai dit, il s'agissait ici, selon vous, de quel type de science? Religieuse et plus quoi? Éthique et quoi d'autre? C'était une science qui était optionnelle, voyez-vous, parce qu'on a dit qu'il y a certaines formes de sciences qui sont obligatoires, des wajibat, que chaque musulman doit connaître, et il y a certaines formes de sciences qui sont optionnelles. Si c'est une science qui est obligatoire, tu ne peux pas dire à quelqu'un, parce que tu as commencé à rire, je ne vais pas t'enseigner, voyez-vous. Si quelqu'un il va venir te dire, est-ce que tu peux m'apprendre comment faire ma prière, etc., tu peux pas lui dire, mais toi, tu chuchotes lors du cours, tu es en train de rire, etc., je ne t'enseigne pas, c'est parce que ça ne se fait pas. Tu as l'obligation de partager avec lui. Mais quelqu'un qui vient pour chercher la science optionnelle, il veut devenir un savant. Donc, les grands savants, il les prouvait. On veut savoir si vraiment tu es fait pour ça, si tu es quelqu'un en quelque sorte de fort et de tenace et qui a le adab. وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍ لِبْنِهِ. Écoutez, ça c'est très important. Wallah, c'est vraiment important. Il y a des erreurs graves qui se font par manque d'éthique. Parfois, il y a des savants qui nous visitent comme ça ici à Montréal, etc. Et certains frères les invitent, disent « Ya Cheikh, je t'invite chez moi pour venir manger ce soir, etc. » Et il va inviter avec lui certains de ses amis. Ils vont le torturer, le pauvre Cheikh. Ils vont le torturer. Lui, il est venu pour manger comme ça, n'est-ce pas? Parce qu'il a fait son cours déjà au masjid, etc. Il est un voyageur, il est fatigué, etc. Il vient pour quelques moments, ils vont le retenir pour 3, 4, 5 heures. Lui poser les questions les plus embarrassantes. Et lui, il commence à répondre et il y a cinq qui commencent à répondre avec lui. Mais Cheikh, là, qu'il y a Cheikh, moi j'ai lu, et moi j'ai lu, et moi telle chose. Et lui, il va être gêné, c'est parce qu'il n'est même pas chez lui, c'est même pas sa ville, voyez-vous. Il va se taire, voyez-vous. Et ça, c'est très insultant. Alors, Al-Hussein ibn Ali, radiyallahu ta'ala anhuma, le grand Hussein ibn Ali, il a dit à son fils, « Ya bunayya, ô mon fils, idha jalasta al-ulama'a, si tu t'assois avec les savants, فَكُنْ عَلَىٰ أَنْ تَسْمَعَ أَحْرَصَ مِنْكَ عَلَىٰ أَنْ تَقُولَ. Alors assure-toi d'être plus tenu à écouter que de parler. Après ça, il a dit وَتَعَلَّمْ حُسْنَ الْإِسْتِمَاعِ كَمَا تَتَعَلَّمُ حُسْنَ الصَّمْتِ. Et apprends à bien écouter tout comme tu apprends à bien te taire. وَلَا تَقْطَعْ عَلَىٰ أَحَدٍ حَدِيثًا وَإِنْ طَالَ حَتَّى يُمْسِكْ. Et ne coupe jamais la parole à quelqu'un quand il est en train de parler, même s'il allonge sa parole jusqu'à ce qu'il se taise. Ça, c'est un adab en général, que même le prophète, alayhi salatu wa sallam, nous l'a renseigné, n'est-ce pas? Je répète, tayyib. إِذَا جَلَسْتَ الْعُلَمَاء. Si tu es avec les savants, alors, assure-toi de donner plus d'importance, de tenir plus à écouter que de parler. Ça veut dire, c'est des savants, laisse-les parler. Ils sont là pour t'apprendre, ils ont plus de connaissances. C'est toi qui dois bénéficier de eux, ce n'est pas le contraire. Voyez-vous? وَتَعَلَّمْ حُسْنَ الْإِسْتِمَاعِ كَمَا تَتَعَلَّمُ حُسْنَ الصَّمْتِ. Et apprends à bien écouter, tout comme tu dois apprendre à bien garder le silence. Ça veut dire, les deux choses sont des choses qui sont importantes. وَلَا تَقْطَعْ عَلَىٰ أَحَدٍ حَدِيثًا وَإِنْ طَالَ حَتَّى يُمْسِكْ. Ne coupe jamais la parole à quelqu'un qui est en train de parler, même s'il parle pour une longue durée, jusqu'à ce qu'il se taise, jusqu'à ce qu'il termine ce qu'il avait à dire. Et comme j'ai dit, ça fait partie des adabs que même le prophète, alayhi salatu wasalam, nous a appris. Et malheureusement, de nos jours, il y a des frères, tu commences à parler, deux mots, ils te coupent. Et tu réessaies. Trois mots, ils te coupent. Et c'est pire encore quand c'est lui qui t'a demandé la question initialement. Te demande la question, tu commences à répondre, il te coupe. Ou bien quelqu'un te demande une question. Tu dis, Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, il a dit fil Qur'an al-Karim. Et lui, il va dire le verset avant toi. Vas-y, tu es mon secrétaire, vas-y. Tu veux travailler comme porte-parole gratuit, vas-y, bismillah, à temps plein. Voyez-vous? Mais ça fait pas partie de l'adab. Quand quelqu'un il parle, on le laisse terminer, même s'il est en train de dire des choses, il parle lentement, etc. Nasbiru alayh, après ça, on va répondre. C'est clair? Taïb. C'est tout pour deuxième chapitre, et ou bien pour ce troisième chapitre, et par la suite, inshallah ta'ala, la prochaine fois, on va passer au troisième, au quatrième et dernier chapitre qui va porter sur l'acquisition de l'ilm en tant que tel. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.